Pourquoi n'ont-ils pas produit, à l'appui de leurs accusations, quatre témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs.